Voici votre bulletin régional. Le souper des fêtes de la Féas de Hastings aura lieu le 8 décembre à l'auberge Le Brest à 18h. On doit réserver avant le 2 décembre. Bienvenue aux membres. À la bibliothèque de Saint-Isidore de Clifton, de 13 à 15h le 3 décembre, on donnera un atelier gratuit de croissance personnelle intitulé « L'être humain est fait d'émotion. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'émotion ?» Inscription au 819-875-5643, poste 5820. À Scotstown, sera présentée une soirée d'information pour la prévention des vols à domicile par la SQ dès 19h le 3 décembre à l'Hôtel de Ville.